étendu, le corps nu allongé sur le dos, les paumes jointes des mains soulageant la tête de la fermeté du sol. L'horizon s'ouvre tout entier devant moi en exhibant son vaste paysage de volutes. Détendu, les muscles relâchés, la silhouette décontractée. Inspiré de quelques images sonores éparses, illustrant le canevas de lointaines pensées, bercé par un subtil effleurement à la dérobée, une paisible brise. Laissant l'épiderme s'épanouir face à l'éblouissement enthousiaste du soleil, au plaisir de perles d'eau cristalline glissant goutte à goutte le long de ma peau. Mon corps